Les femmes pas pas genre blanc cachant le feu. Mais toujours toujours à la côte que tu pars. Et votre creux. Toujours toujours à la côte que tu pars. Et votre creux. Down, down, down. Ne reste pas les bassins. Allez, allez, allez. C'est pas ça qui t'angoisse. Toujours à la glace.